J'ai pas le temps, j'ai deux vies, because la vie elle est courte. Je suis en retard, j'ai 36 choses à faire en même temps. Faut que j'assure pour ma retraite, faut produire des kilowattheures. Un anniversaire ce soir, un mariage ce week-end. Pas le temps pour un bilan, l'hôpital c'est un hospice, moi faut que je me speed. 24 heures top chrono, on verra plus tard. Pour l'instant je carbure, je brûle de l'huile. Et je roule mon boss. J'ai pas le temps de dormir, de me retourner, d'exister, de m'excuser, de respirer. Il sera toujours temps quand j'aurai plus de salive, quand mes artères seront bouchées. J'attends pas pour faire des merveilles, d'avoir ma carte fermée. Là je veux vivre, vivre et profiter, pas voir ma vie filer, mais la sentir me traverser. Moi je vis, je vis pour pas regretter. On m'a tellement répété, il est l'heure qu'il était hier à la même heure, que pour moi le temps ça ne veut plus rien dire. Et j'ai stagné toute ma vie dans deux dimensions seulement. Et puis cette année, tout à coup, on m'a dit bon anniversaire ma vieille. Ma vieille, oh mon Dieu. Quelle heure est-il? À 5 ans tout fait sourire, à 10 ans tout fait bondir, à 15 ans languir, à 20 ans rêver, à 25 ans ronronner, à 30 ans épouser, à 40 ans frémir, à 50 ans regretter. Oh mon Dieu. Quelle heure est-il? Il est l'heure de regarder dans le rétroviseur. Il est l'heure de tout arrêter. Arrêter de tourner les pouces. Il est l'heure de prendre en main et de savoir quoi faire de tes 10 doigts. Il est l'heure de tout arrêter. La société de consommation doit fermer boutique. Il est l'heure de la fin du monde. Oh mon Dieu! Quelle heure est-il? Il est plus l'heure de se leurrer, mais de mettre les pendules à l'heure. Il est plus l'heure de regarder ailleurs, il est l'heure de savoir lire l'heure. Il est plus que l'heure. Il est plus que l'heure de faire des lustres bien lustrés, peut-être même illustres. Il est plus que l'éternité t'attend.